La compréhension des mécanismes du mental libère l'être de l'assaut puissant d'influences astrales qui accompagnent l'ouverture des centres psychiques et qui peuvent se traduire en un fléau de possessions insidieuses et subliminales du mental. Bon nombre d'individus sensitifs possèdent un extraordinaire potentiel mais ne parviennent pas à intégrer leur perception psychique sur une véritable base individuelle. Ils ne comprennent pas que le mental est manipulé par des forces astrales agissant sous la couverture d'éléments mystificateurs, dans le dessein d'entraver le potentiel créatif de la vie. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas leurs rêves les plus chers, du fait de leur incapacité de transmuter la tension psychique en un puissant élan du mental conscient. Les médias ont éveillé l'opinion publique au phénomène social dégradant qui est celui des sans-abri. Il est troublant de constater qu'un nombre croissant d'individus, en phase avancée de détresse sociale et personnelle, errent dans les ghettos des villes modernes. Plusieurs manifestent l'obsession singulière de parler seuls. Ces derniers sont victimes d'une manipulation psychique subtile et interne qui les dérobe d'une volonté déjà affaiblie. Ils souffrent d'une communication psychique inconsciente avec des entités astrales de bas niveau qui exercent sur leur mental un haut degré d'influence. Ils sont victimes d'un piège psychique dont ils ne peuvent se soustraire, dû à l'incompréhension d'un phénomène spirituel menaçant. Leur développement personnel et leur participation au processus social moderne en sont entravés. Ils sont devenus des parias, non loin d'évoquer les lépreux de jadis, et leur population menace d'atteindre des nombres immaîtrisables au cours des générations futures, si des mesures drastiques tardent à être appliquées. Une telle atteinte à la qualité de vie implique qu'un nombre croissant d'individus désemparés sera voué à partager le sort des sans-abri et cessera de compter parmi les citoyens actifs, du fait de leur incapacité de comprendre la domination psychique subliminale dont ils sont victimes. Les sans-abri sont les loges humaines d'une race ayant perdu contact avec son identité. Ils se verront rejetés en vertu de notre incapacité inhérente ou de notre crainte d'étudier les aspects plus profonds du mental qui menacent une vision fondamentale de la réalité. Les paramètres psychologiques actuels ne suffisent pas à l'étude de l'assaut qui s'abat sur les membres affaiblis d'une race dont les structures sociales se révèlent toujours plus vulnérables aux forces néfastes du mental inconscient. Les individus qui se parlent de manière obsessionnelle diront à toute personne intéressée à les entendre qu'ils entretiennent une conversation interne avec une entité ou plusieurs entités auxquelles ils s'identifient, tant pour le meilleur que pour le pire. Les entités, identifiées par un nom ou par toute autre forme de symbole, peuvent les magnétiser par le biais de la pensée, ce qui engendre l'éventuelle perte totale de leur identité. Les sans-abri offrent un bon exemple d'individus ayant été aspirés dans un vortex psychique non identifié. Leur territoire mental a été envahi d'entités ou d'intelligences d'un ordre inférieur se nourrissant de leur misère et qui feront tout pour accroître leur niveau de souffrance, en proportion directe avec la domination psychique qu'ils sont en mesure d'imposer. Les nouvelles vagues de crimes qui choquent régulièrement la sensibilité publique révèlent une forme de comportement relié intimement au phénomène de la voix intérieure. Nombre d'auteurs de crimes haineux ont divulgué à leur psychiatre que préalable à une action criminelle, et avant même d'avoir été déclarés déments, ils avaient entendu une ou plusieurs voix leur ordonnant de commettre les crimes. La cause réelle de leurs crimes doit être constatée dans leur incapacité d'entrevoir la distorsion et la manipulation machiavélique de leur mental par des entités opérant depuis un point d'observation inconnu, derrière le voile de la conscience égoïque. De tels crimes peuvent évoluer indéfiniment selon le barème social de l'horreur, au point d'assumer des proportions cinématographiques. La culture de la drogue constitue l'une des grandes incitations à l'ouverture de centres psychiques menant à la domination du mental. De nombreux crimes contemporains sont en lien direct avec la consommation de drogue, en voie de prendre les sociétés modernes en otage. Les comportements obsessionnels sont le symptôme de personnes dominées par des forces résidant derrière l'écran d'un égocentrisme. La montée en puissance des forces astrales déséquilibre la vie interne de l'individu par leur effet débilitant, ce qui peut transformer la conscience humaine en un canal astral agissant contre l'homme et la race. Le vaste monde du mental demeure inconnu. Et ceux qui prétendent entretenir un lien avec des dimensions supérieures ne conçoivent pas forcément la profonde responsabilité qu'ils assument en s'entretenant avec ou en servant des forces, ou intelligences dont les enseignements sont tenus pour acquis, par défaut d'un mental créatif indépendant. Le discernement total ne peut être acquis que par la voie difficile mais nécessaire de l'intégration de sa propre énergie. La médiumnité fait partie de l'expérience de l'âme, ou karmique, à moins qu'elle ne soit entièrement sous le contrôle d'une personnalité forte intégrée. L'identité doit être maintenue à tout prix lors de la communication psychique avec d'autres plans. La médiumnité demeure une expérience au service de l'âme, et jusqu'à ce que la nature occulte et la fonction de ces contacts aient été individuellement et personnellement évalués. Ceux qui s'enthousiasment pour les sciences occultes s'exposent à l'ingérence psychique et à la domination mentale. Dès lors que la psyché se trouve suffisamment magnétisée, ses forces peuvent croître au-delà du contrôle de l'individu. La réalité du mental ne peut être mesurée par l'intellect inconscient. Ceci requiert une transformation profonde du mécanisme de la conscience et une pleine compréhension des lois psychiques qui sous-tendent l'organisation systémique du monde astral. Le plan astral est un continuum de conscience, dont la loi occulte est d'éloigner l'individu de lui-même en créant et en maintenant l'illusion de l'ascendance psychique de l'ego. La nature curieuse et limitée de l'homme le mène à croire et à accepter, par inadvertance, les messages de l'au-delà. Il se trouve, depuis si longtemps, dissocié de lui-même que le contact avec d'autres niveaux lui semble être d'emblée le paroxysme de la liberté mentale et psychique, vis-à-vis de l'insipide savoir rationnel. L'illusion est propagée par son empressement à croire, et ce préalable est le prix à payer pour son infatuation pour des entités qui utilisent son mental. Le désenchantement éprouvé à l'encontre des valeurs de la vie moderne et le défaut de réponse satisfaisante emmènent plus d'un vers un parcours inconnu et aliénant. Les personnes cultivant un intérêt pour les sciences occultes doivent être éveillées au dilemme potentiel que leur réserve la poursuite de l'étude des sciences du mental, qui défie les idées rationnelles portant sur l'existence et ses soubassements. Le mental est exposé à des influences de toutes sortes dont certaines sont plus pernicieuses que d'autres. La psyché est naturellement prédisposée à la fascination et à la curiosité. La fascination pour l'occulte constitue le début d'un éveil psychique, ayant pour conséquence l'affaiblissement systématique de l'ego à travers le refoulement de la personnalité. Les sciences occultes conditionnent le mental à des influences subliminales d'origine astrale et le dissocient des valeurs de la vie quotidienne. Ces forces sont engendrées et croisent dans la psyché humaine par la manipulation de la pensée et des idées en soi, qui participent d'un jeu psychique subtil et inconnu de l'ego inconscient. L'étude de l'occulte ne présente aucun danger en soi. L'ignorance des soubassements de l'astral occulte et de ses lois, en revanche, pose le réel danger, faisant germer une instabilité potentielle au sein d'un mental dépourvu de la maturité nécessaire au maintien d'un équilibre essentiel entre l'intérêt pour l'occulte et l'existence quotidienne. L'étude de l'occulte exige une consonance créative du mental et des idées et concepts qui généralement ensorcellent l'ego par des notions qui tendent à détourner son attention du labeur de la vie. Les personnes qui, par l'étude de l'occulte, aspirent au réconfort doivent procéder sur la base d'une conscience critique objective plutôt que par désir d'évasion devant la dérive du monde moderne. Autrement, l'étude de telle science pourrait bien s'avérer une forme de simple diversion, une fuite du monde vers une mince existence. La séduction psychique et les sciences occultes sont intimement liées. L'occulte ne peut être pris pour acquis, quelle que soit sa crédibilité. Il incombe à l'évolution du mental de dévoiler toute prétention à la vérité, en vue d'atteindre une réalité intégrée. L'occulte incite l'individu à scruter davantage le domaine de l'inconnu, à l'aide de ses facultés intuitives. Mais pour ce faire, il incombe de le dévoiler avant de le conquérir, afin que ces sciences lui servent de moyen ultime dans le combat contre l'ignorance. L'occulte ne concède jamais une compréhension infaillible des fondements de la vie et de la mort, ou d'autres acceptions métaphysiques, sans que l'individu n'ait dépassé l'illusoire réflexion astrale qu'il crée au sein de l'ego spiritualisé. La séduction procède toujours de la naïveté. Les sciences occultes ne prédisposent guère l'apprenti à l'objectivité. Ceci ne s'accomplit que par la réalisation que la vérité est une illusion puissante qui se recèle en soi, et qui doit être rejetée et remplacée par la nature dépolarisée du mental pur qui sait, sans être en proie à la séduction. L'adepte de vérité, sous une forme ou une autre, se voit confronté au besoin de s'identifier à une idéologie spirituelle afin de donner un sens à sa vie. À ce point, la séduction renverse le pouvoir du mental et entreprend de miner son centre créatif, de sorte à inciter le développement de l'imagination spirituelle aux dépens d'une science psychique objective. L'imagination spirituelle occulte peut conduire à de dangereuses et subtiles formes de séduction. Elle peut réprimer la centricité du mental pur et faire dévier la compréhension objective, alors qu'elle se déploie en une force accablante qui atténue les facultés critiques de l'ego. À ce point, l'ego perd sa capacité de percer la lumière astrale qui menace de le confiner à une forme pensée qui le prive du contact avec les niveaux mentaux supérieurs du moi réel. L'imagination spirituelle est une force qui manipule l'ego selon ses failles et ses forces fondamentales. Elle est un allié tout aussi puissant des forces spirituelles occultes. Les individus adhérents aux domaines occultes, ou aux sectes, compromettent leur identité par le fait même d'assumer un rôle servile par la reconnaissance de la valeur d'une idéologie sectaire. Ils auront grand peine à se déprendre de la puissante force d'attraction ou de l'égrégore d'une conscience sectaire qui domine à l'aide de la profonde conviction d'un maître quelconque pouvant aisément recourir à des arguments circulaires en vue de fortifier la position de l'orientation déterminée de la secte. Tout individu se trouvant en cas d'identité, auprès d'une secte, en vient à perdre sa propre identité avec le temps. La secte alimentera ses failles et les transformera en de faux atouts et vice-versa. La séduction psychique est le principe premier de toute organisation sectaire, et seule une conscience forte et non influençable peut se libérer d'une force à ce point vampirisante, qui détruit l'identité personnelle afin de monopoliser la pensée. La naïveté spirituelle porte en germe la séduction psychique. Elle s'accroît lorsque la conscience individuelle échappe à elle-même, à titre de valeur primaire. Chaque aspect d'une idéologie spirituelle séduit l'ego. La nature même de la conscience spirituelle, de par sa forme occulte, conditionne l'individu à une forme de domination la reliant à une volonté astralisée, ce qui, par conséquent, contraint son comportement. Les sciences occultes, qu'elles soient négatives ou positives, noires ou blanches, demeurent spirituelles en elles-mêmes. Elles tentent de lui donner accès à des dimensions parallèles de la réalité du moi, tout en soumettant l'individu à des règles ou rituels qui ne font que le conditionner à une illusion collective. Par le biais de tels rituels, il en perd graduellement son identité et sa capacité à traiter objectivement avec des forces opérant au-delà de sa dimension physique et qui s'avèrent trompeuses à moins de n'être confrontées et puis intégrées grâce à un centre de gravité fort développé. L'occulte fascine l'esprit humain en raison de ses liens avec des sources d'énergie qui défient toute logique. Les facultés intuitives constituent des canaux reliés à l'occulte, l'intuition étant une forme d'intelligence qui n'est guère rationnelle. L'occulte expose le mental à des forces dont la nature demeure inconnue et en partie incomprise de l'individu. Il est sujet aux interprétations qui conviendront à l'ego mais il entretiendra, en même temps, des dynamiques internes qui croîtront au-delà de sa capacité d'objectiver le contrôle de son propre destin. La séduction est le fruit de l'ignorance et sa croissance est proportionnelle au défaut d'identité propre. Elle est symptomatique d'une insuffisance de pensée consciente, ce qui livre le mental aux forces qui se trouvent en opposition à tout développement vers une identité interne. Elle entrave la focalisation du moi réel, essentiel à ce que l'ego puisse comprendre sa relation avec l'univers du mental. Le mental de l'homme est, depuis si longtemps, en proie à la séduction qui n'a désormais plus de lien avec sa propre réalité et les lois qui la sous-tendent. Sa conscience est en fait un processus réactif aux stimuli, bien plus que le processus d'une conscience intégrée. Il est séduit par l'autorité d'idéologie temporelle et spirituelle, qui lui procure une impression de transcendance, tout en entraînant son esprit vers la servitude. Les religions ont séduit l'humanité et mystifié la réalité au-delà de toute reconnaissance et compréhension objective, alors que la science n'a pas su compenser en créativité, en ce qu'elle a nié et donc réprimé les pulsions psychiques de l'homme, sa communication avec les réalités alternatives. De temps immémoriaux, l'accès au mental pur a été entravé. La séduction est l'héritage d'un échec, celui de n'avoir su entrevoir la déception de vérité sanctionnée par la société. Elle interfère avec le développement et la croissance de l'identité personnelle et de la réelle liberté qui ne peut être atteinte sans qu'elle n'ait été arrachée à l'inconscience. En proie à la séduction, l'ego en vient à bannir la réalité et à se dresser aux côtés de forces dominant au nom d'idéaux ayant recours au sacré, au spirituel ou à l'occulte dans le simple dessein de camoufler sa domination. Les idéologies ont séduit l'homme jusqu'au terme du XXe siècle, en façonnant sa manière de penser. Il ne peut désormais plus penser par lui-même, sans un soutien quelconque lui provenant de l'extérieur. Alors que les idéologies religieuses et temporelles révèlent plus encore les fissures de leur édifice monolithique, il se tourne vers l'occulte qui se révélera un tout aussi redoutable adversaire. Il devra apprendre à développer une faculté lucide et hautement critique basée sur le mental pur, sans quoi il sera contraint, lors du prochain siècle, à faire l'expérience de forces psychiques et occultes qui l'utiliseront, faisant de lui un canal de l'inconnu. L'occulte surgit dans les pays les plus industrialisés. Cette science séculaire préoccupe l'opinion, non pas forcément au sein de la Ligue des Nations ou des civilisations sous-développées mais bien des sociétés les plus avancées du monde. L'occulte se propage aujourd'hui par la voie d'une variété croissante de sectes spirituelles marginales et de sociétés secrètes, et leurs multiples visages captivent l'imagination et assujettissent les esprits par milliers, tout en plongeant l'ego insouciant dans un tourbillon d'expériences néfastes. Les personnes ayant succombé à la séduction se laissent facilement emporter, de leur propre vouloir, devenues insouciantes alors que leur maître à penser s'enlise toujours plus aveuglément, ou communique naïvement avec de prétendues sources de connaissances qu'ils ne peuvent évaluer d'eux-mêmes et intégrer objectivement. Ceux qui aspirent à l'adhésion sectaire éprouvent le besoin d'identification que promet la séduction. Le monde matériel de la commercialisation a développé des techniques sophistiquées de séduction qui asservissent les masses vers un mode de consommation sans fin. Au niveau occulte, nombreux sont ceux qui se laissent séduire par des marchands de rêves, y perdant leur identité par la suite. Le taux croissant de maladies mentales tient à ce double assaut contre le mental humain, alors qu'un déficit psychique afflige les nations les plus avancées. La commercialisation de la consommation est une forme de séduction moins menaçante que sa contrepartie psychique ou occulte. Ceux qui se laissent séduire par l'occulte courent le risque de sombrer vers une dérive qui ne les mènera pas forcément là où ils souhaitent aller, selon ce qu'ils croient savoir. Bien que les sciences occultes tentent à assouplir la vision rationnelle et rigide de l'individu au regard de la vie et de la mort, elles peuvent également faire naître certains espoirs susceptibles de ne jamais se réaliser, compte tenu des illusions qui les ont vues naître. Les illusions occultes font partie d'un jeu cosmique mené par le monde astral contre l'homme. L'univers est une réalité multidimensionnelle au sein de laquelle les intérêts humains et astraux s'opposent diamétralement. Ceci est sans doute l'une des plus essentielles leçons et pourtant des plus difficiles à appréhender pour toute personne portant un intérêt aux aspects de la vie qui transcendent les banalités de l'existence quotidienne. Depuis la nuit des temps, la séduction revêt le masque de la vérité. Il n'est donc pas étonnant que l'histoire ait été celle de la séduction à tous les niveaux. Rétrospectivement, nous pourrions avancer que l'évolution de l'intelligence signifie apprendre à ne pas succomber à la séduction. Alors que l'involution est un processus historique où la séduction est totale, l'évolution sera davantage le reflet de la liberté pour l'humanité et l'homme en tant qu'individu. La séduction a coloré une telle part de la conscience humaine que, ne serait-ce que par sa seule indifférence à son égard, l'homme serait, par ce fait même, intelligent dans le sens créatif du terme. La séduction psychique est, parmi toutes les formes de séduction, la plus fallacieuse. Non seulement envoûte-t-elle l'ego mais elle altère également les vibrations de l'âme. Si l'homme était intelligent au sens conscient du terme, son mental en serait absolument libre. Elle ne ferait plus partie de son expérience émotionnelle et mentale. La séduction est une voie astrale qui mène à la conscience humaine et qui tente d'influencer l'ego jusqu'à ce qu'il en perde son identité. Par le biais de la séduction, le plan de vie astral de l'âme mène à la souffrance, le mental supérieur est soumis au pouvoir de l'âme, et l'homme perd son identité en tant qu'être intelligent. Il devient un outil de la vie, une contradiction à la liberté réelle. Nous avons été séduits à penser que le libre arbitre constitue notre réelle liberté. L'illusion du libre arbitre a remplacé la liberté réelle dans notre esprit. Des millions d'individus, dans le monde sous-développé du mental, voient leur vie bouleversée par l'illusion du libre arbitre. Les forces de séduction agissant en l'homme inconscient sont si puissantes et actives en ce moment de l'histoire que les événements politiques, en voie de définir l'avenir, détruiront l'harmonie mondiale et démontreront enfin l'illusion fondamentale du libre arbitre inconscient qui se distingue en tout de la réelle liberté consciente. L'évolution exige un plein éveil de conscience à l'égard des forces séductrices à l'œuvre dans le monde. À défaut de ceci, l'ingéniosité humaine se voit impuissante face à l'agression qui menace de provoquer des ravages tant au niveau social qu'individuel. On ne peut mettre un terme au processus séducteur de la vie inconsciente que si l'on apprend à identifier la réalité, au-delà de la pensée et de son pouvoir de magnétisme. Ceux qui se livrent à l'étude des sciences occultes doivent comprendre que la nature de l'être ne peut être appréhendée par n'importe quelle forme de connaissance n'ayant pas été intégrée en une conscience individualisée. Le processus fondamental de l'activité psychique sert à nous faire la leçon sur le développement de l'intelligence réelle. Sans une profonde prise de conscience du pouvoir séducteur des forces astrales, l'identification au noyau interne de notre être propre et de notre mental nous échappe, de même que l'unification de ce que la séduction tente de diviser. Chapitre 5. Céder à l'occulte. Les sciences occultes assument un rôle indéfini mais important dans l'évolution de la conscience. Leur présence croissante, en littérature et au cinéma, témoigne d'un intérêt grandissant dans les pays industrialisés, intérêt ranimé par une nouvelle génération en quête de connaissances, dont la forme se distingue nettement de l'autoritarisme didactique qui forgea l'éducation précédant la crise identitaire des années 60. La popularité des sciences psychiques est d'autant plus grande que la crise identitaire échappe à l'attention publique. Le XXIe siècle promet d'être celui de la recherche et du développement intérieur, dont la forme portera un coup décisif aux approches superficielles portant sur le développement personnel, alors qu'une liberté psychologique et psychique accrue tend à écarter l'individu de la collectivité. Les sciences occultes dérivent leur compendium de connaissances de sources psychiques pouvant ou ne pouvant pas correspondre au bien-être général de ceux qui entrent en contact avec elles, en vertu de la nature, de l'origine obscure et de l'influence qu'elles peuvent exercer sur la personnalité non développée et souvent trop naïve de l'apprenti. Les sciences occultes prennent leur source d'un contact interne avec des forces psychiques dont l'enseignement est conforme, de manière générale, à une vision astrale de la vie et de la réalité. À la différence des sciences psychologiques, elles tentent à créer un sens de la réalité fondé sur une acceptation arbitraire de leur enseignement autoritaire. La nature de ces sciences ne peut être abordée d'un point de vue rationnel. Ceci donne libre cours à l'interprétation et impose à la fois une forme d'autorité subtile à l'apprenti, qui ne peut être facilement rejetée par ceux dont le centre de discernement essentiel fait défaut. Les sciences psychiques en soi ne posent aucun problème. Cependant, l'immaturité de ceux qui entrent en contact avec elles peut devenir une source de préoccupation. L'Église les a toujours anathématisées, non seulement parce qu'elles défient ses doctrines fondamentales et qu'elles minent son autorité, mais bien parce qu'elles invitent l'individu à étudier les mystères d'un point de vue ayant été canalisé depuis des réalités dimensionnelles dont elle seule prétend posséder la compétence et être investie du pouvoir de juger et de veiller à la préservation de l'âme et de l'esprit humain. Ce temps est révolu, alors que la nouvelle génération ne peut désormais plus être retenue de ses appétits ou restreinte dans la découverte et la connaissance de ce qui réside au-delà. Il en résulte que les sciences psychiques, sous leurs multiples formes, invitent le chercheur inquisiteur vers un vaste marché littéraire, nouvelles, et d'enseignements ésotériques pour lesquels l'individu est souvent mal préparé psychologiquement. Il nous faut souligner que toute science occulte donne accès à des niveaux subliminaux d'énergie qui altèrent éventuellement la personnalité et la conscience. Ceci n'est guère négatif en soi. Ce qu'il est ou pourrait l'être cependant est le trouble inéluctable qu'éprouvent les individus dépourvus de la maturité requise pour évaluer cette information objectivement, ceci dit, depuis le centre de leur propre intelligence interne. L'homme est un être psychique évoluant dans une enveloppe physique. Il est dépourvu de la constitution mentale nécessaire, afin qu'il puisse supporter un contact avec certaines formes de connaissances occultes, sans en perdre l'équilibre. L'occulte est une réalité qui ne peut être prise au pied de la lettre. Par conséquent, l'apprenti doit devenir maître de sa propre pensée et ceci ne sera possible que lorsqu'il aura développé l'intelligence et le discernement lui permettant de distinguer les messages réels des messages astro-spirituels. Dès lors que l'apprenti de l'occulte est muni d'une maturité suffisante et d'une constitution mentale et émotionnelle hautement individualisée, ces sciences marginales peuvent devenir des moyens uniques et utiles pour l'éveil de son mental à des formes supérieures de pensée et de connaissance. Or, sous des conditions adverses, il risque de ne pas voir l'illusion de la forme. Les sciences psychiques, qu'elles soient occultes, ésotériques ou simplement paranormales, peuvent s'avérer périlleuses si l'on s'en remet aveuglément à elles. Plutôt que de les utiliser tel un outil pouvant accroître le discernement, elles peuvent facilement dégénérer en forces astrales qui manipulent le mental. Le risque majeur que posent les sciences occultes réside dans la commune incapacité de l'apprenti à entrevoir les formes subtiles d'aliénation engendrées par des notions qui troublent l'équilibre de la psyché, par défaut de facultés critiques hautement centrées et créatives. L'ego ne doit pas livrer son identité lorsqu'il traite avec des formes de connaissance ou de communication étant sujette à des influences astrales inconnues et largement incomprises, dont le pouvoir inhérent est de canaliser les vérités contradictoires par la psyché. Le mental est facilement piégé lorsqu'il vient en contact avec des notions extrasensorielles se présentant comme de véritables formes de connaissances. Il est difficile pour l'ego d'objectiver ces territoires inconnus et de maintenir ses propres facultés critiques par rapport à des idées qui transcendent la raison. Trop souvent, ceux qui se laissent attirer vers l'occulte en perdent leur identité, lorsque des sources psychiques semblent se prononcer avec autorité, sous la forme de livres, à travers des individus ou des entités. Les sciences occultes sont le seuil par lequel les forces psychiques pénètrent et influent sur la conscience. Il doit être pleinement compris que les morts ne sont pas morts dans le sens terrestre et absolu du terme. Ils poursuivent leur évolution sur un plan parallèle de réalité dont les lois les assujettissent absolument, le plan astral. Il est plus facile de comprendre que le seul bouclier psychique de l'homme incarné, contre l'effet aliénant de la désinformation astrale, réside dans sa capacité de s'identifier à son être intérieur. L'homme est un être psychique de chair. Il sait plus qu'il ne croit, ou qu'il n'est disposé à admettre en lui-même. Il est regrettable qu'il gère difficilement son savoir intuitif lorsque confronté à de l'information astrale conditionnée qui colore la réalité. À ce point, les sciences occultes constituent un handicap, alors qu'elles pourraient tout autrement compenser pour ses déficiences intellectuelles. L'occulte peut mener à une perte d'identité, si l'apprenti cède à son système de croyance. L'individu doit apprendre à se préserver au plus haut point, sans quoi il s'assujettit à une manipulation et à une désinformation psychique potentielle, pouvant mener à l'éventuelle domination de son mental par des forces qui sont tout à fait vivantes et réelles. En cédant ses facultés critiques, il se rend victime par une perte graduelle d'identité. Les sciences occultes sont à l'étude de l'âme ce que les sciences physiques sont à l'étude de la matière. Ce fait est d'une importance primordiale pour ceux qui s'engagent, avec sérieux, dans la poursuite de la connaissance occulte. Cette dernière doit être évaluée objectivement. Alors que le mental peut saisir les idées les plus obtuses grâce à la nature subtile et intime de sa lumière, il peut également se laisser dérouter par les forces de l'âme. L'âme comporte en son sein des failles karmiques pouvant être utilisées par les forces astrales à leur avantage, affaiblissant ainsi le mental. L'âme et le mental sont deux aspects divers de la réalité humaine. L'âme participe de l'expérience humaine présente et passée, alors que le mental a l'ultime principe de la conscience de l'esprit. Le mental a la lumière, l'âme est son véhicule. Selon le statut évolutif de l'expérience de l'âme, plus ou moins de lumière peut la traverser, ce qui explique l'expérience humaine et sa souffrance relative, due à l'ignorance des lois occultes de la vie et de la mort, de l'âme et de l'esprit. L'occulte éveille de puissantes forces qui magnétisent ceux dont la naïve quête spirituelle s'approprie une bonne part de leurs pensées internes. Cependant, par-delà l'âme ou l'astralité réside une mentalité supérieure, dont l'intelligence créative a le pouvoir d'instruire sur le monde de l'âme, ou le plan astral des morts. La réalité s'étend bien au-delà de tout enseignement astral, qu'il soit édifiant ou non. Quel que soit l'enseignement du monde astral, l'homme se doit de le mesurer et de l'ajuster selon son propre mental, afin qu'il puisse se libérer de sa puissante influence. L'évolution future du mental peut se définir par la capacité absolue de vivre au-delà des influences de l'âme ou du plan astral. Par l'évolution mentale supérieure, l'homme gravitera vers le centre de son moi absolu et baignera dans sa propre énergie créative. Sa conscience connaîtra des domaines qui s'étendent au-delà de ses limites physiques actuelles. Le chemin menant à une telle liberté, cependant, est fortement circonscrit par des influences astrales que seule l'expérience et la maturité peuvent neutraliser. Le mental trouve son origine au-delà de tout système de croyance. Il ne les crée et ne les maintient que jusqu'au moment où l'ego mature et conscient cesse d'éprouver le besoin de vivre sous l'ombrelle de croyances cristallisées qui engendrent des attitudes naïves envers la nature de la réalité. Le mental peut facilement signifier son affinité avec la conscience supramentale lorsque l'ego se projette au-delà des structures mentales rigides de ses habitudes de pensée qui entravent le libre cours de la pensée consciente. L'ego peut alors graviter vers le centre de la pensée en soi et ainsi permettre à l'individu d'apprendre et de comprendre les lois non écrites et les forces occultes qui sous-tendent leur réalité. Alors que l'occulte peut exposer le mental à des domaines ne correspondant pas aux habitudes réflexives mécaniques de l'ego, il peut également violer l'intégrité territoriale de la psyché, et forcer une difficile confrontation entre elle et le doute réfléchi de soi, ce qui menace, à long terme, de porter atteinte à son identité. Les sciences occultes ne peuvent être démenties. Elles sont génitrices d'une source infinie de faits cosmiques menant à une perception plus nette des mécanismes de la fusion ou de l'unité entre le moi inférieur et le moi supérieur, la contrepartie éthérique du mental. Néanmoins, elles doivent être évaluées à l'aide de facultés objectives, critiques et intuitives. Autrement, elles menacent de porter atteinte à l'étoffe égoïque et de priver le moi des instruments nécessaires à la confrontation quotidienne de l'existence. Le mental est un champ de force dont le pouvoir révélateur n'est diminué ou rendu latent que par le processus intellectuel et la mémoire mécanique inconsciente d'un moi imbu d'âme. Dès lors que l'ego aura appris à suivre le libre cours de la pensée conscientisée, et constater la puissante présence de l'énergie astrale interférant constamment avec la clarté de la pensée, le mental pourra alors témoigner de l'activité supramentale objective. L'ego ne doit cependant jamais céder la stabilité de sa vie à la dimension occulte du mental, car l'issue ne peut être autre que dommageable. L'occulte appartient à un autre temps et possède un droit de résidence au sein de notre conscience. Depuis ses dimensions de lumière et d'obscurité, il compose avec la matérialité mais il ne peut lui être permis d'en disposer à sa guise. Il est d'un intérêt vital, pour ceux qui poursuivent une forme de recherche occulte ou paranormale, de réaliser et savoir que tout ce qui réside au-delà de l'homme peut être intégré et unifié par lui et en vertu de lui seul. Céder inconsciemment à l'influence psychique serait comparable au fait de naviguer en mer à bord d'une embarcation inadéquate. L'occulte n'est qu'un terme témoignant de la relativité de ce qui est à la fois visible et invisible, su et inconnu, de ce qui peut être soumis à la preuve et ce qui y échappe. Il ne doit jamais devenir un système de croyance. Il peut cependant créer de multiples systèmes de croyances, n'étant guère régi par la logique et par conséquent ne peut être soumis à une vérification logique effective. Le fait même de céder à l'occulte se produit à chaque fois que ces dynamiques interfèrent avec l'équilibre de la vie physique, émotionnelle et mentale de l'apprenti. Si l'occulte était vécu de manière créative, la vie en serait mille fois enrichie et jamais amoindrie. Elle serait complétée par un processus de croissance créative résidant au-delà de l'expérience ordinaire et inconsciente. D'ici ce temps, l'ego doit être averti de ses charmes, de sa fascination et de ses pièges. Voilà ce en quoi consiste l'évolution de la conscience et le développement de la pensée consciente, soutenue par l'ouverture du mental et par la réalisation selon laquelle le prix de la liberté réelle réside dans la capacité à ne jamais céder à un système de croyance, de surcroît lorsqu'il est occulte et cautionné, en apparence, par l'autorité de soi-disant maître ou enseignant. L'homme n'a ultimement qu'un seul maître et tuteur, lui-même. Un état plus avancé d'évolution engendre une sensibilité accrue pour l'aspect occulte de la nature. Le rôle qu'exerce l'âme et l'esprit dans l'étude des sciences occultes ne se produit pas nécessairement en parallèle. L'âme peut être attirée à l'occulte pour des raisons enfouies dans l'expérience de vies antérieures, alors que l'esprit pourrait simplement utiliser l'occulte à des fins reliées au développement, vers une identité intégrée. En général, les différences entre âme et esprit ne paraissent pas assez nettes à la conscience de l'apprenti de l'occulte. Elles doivent être comprises afin qu'il puisse discerner entre l'influence de l'âme et la force directrice de l'esprit, selon les diverses étapes de l'évolution mentale. Les psychiques, à titre d'exemple, démontreront un vif intérêt pour l'occulte et se laisseront prendre au piège par l'affinité qu'ils partagent avec ce dernier, dans la mesure où leur mental est insuffisamment centré pour voir judicieusement. Le médium et le canal psychique tentent à servir les forces occultes qui se meuvent en eux, sans consentement de leur part. Par conséquent, ils tombent facilement en proie à la politique occulte, dont ils n'ont aucune notion discriminatoire, ou très peu. Le public, de manière générale, aura tendance à baisser la garde, se trouvant absorbé par des aspects de l'occulte qui tentent à initier une quête spirituelle ou philosophique. L'occulte accroît la dimension psychique du mental et aspire l'individu dans un vortex d'énergie animique, créant ainsi un lien psychique entre l'ego et d'autres plans de conscience. Par conséquent, il menace l'identité de l'individu par la superposition de visions de la vie, de la mort et de la réalité que l'ego ne peut intégrer qu'à l'issue d'un long processus de désillusion spirituelle qu'il saura ou non dépasser. Le fait de céder à l'occulte est la conséquence inévitable de l'acceptation naïve, ou de l'interprétation de vérités astralisées qui tentent à contourner le besoin d'une base solide dans la vie quotidienne, où le soutien de la connaissance occulte demeure en retrait. L'influence psychique ou occulte s'introduit graduellement, alors que l'ego perd de vue ses priorités vitales et épouse un enseignement ou une connaissance interdimensionnelle qui tend à fasciner le mental. Plus l'influence se fait envahissante, plus l'ego devient impuissant dans un monde matériel qu'il voudrait élargir, en vue de se libérer inconditionnellement. Céder à l'influence des sciences psychiques est une expérience de l'âme dans le sens étroit du terme. L'énergie astrale de l'âme est intimement liée à l'occulte et vibre en harmonie avec les idées qui fascinent l'ego, en raison de son passé karmique sur le plan astral. L'occulte est un courant de conscience, insoupçonné de l'intellect. Il s'introduit au mental par des voies qui correspondent aux désirs astraux inconscients de l'ego, insatisfait de la vie et de ses complexités. Il est dans la nature de l'occulte de désinformer, afin de captiver l'imagination. Par ce processus, les vérités matérielles reçoivent une perspective secondaire et se voient remplacées par des vérités astrales, qui à leur tour conditionnent l'ego vers une forme auto-administrée de connaissance ou d'éducation, le libérant de la réalité contraignante et limitée de la civilisation matérielle contemporaine. Le mental ne peut protéger l'ego sans que ce dernier n'ait appris à confirmer par soi-même, ne serait-ce que la plus satisfaisante des vérités occultes et la plus fondamentale en apparence, sans quoi il risque de se laisser prendre dans une toile de sentiments inextricables correspondant à une vision astrale de la réalité totalement détachée de la conscience éthérique ou mentale. L'âme prédispose l'individu à l'occulte. Sa vibration est à l'origine de l'impulsion égoïque qui l'entraînera vers une expérience interne qui ne peut être évaluée que par lui seul. Céder à l'occulte équivaut à la domination de l'âme et à la perte de notre libre discernement. Le discernement ne peut être assuré que par le soutien du mental supérieur, siège de l'intelligence humaine et de l'identité créative. L'âme est un champ de force qui doit être neutralisé par le mental, en vue de protéger l'individu du désir puissant pour la recherche intérieure, suscité par le côté occulte de la nature humaine. Les générations futures retourneront-elles au culte? La sagesse ancienne refera surface et les jeunes générations, libérées des visions matérialistes de la vie, porteront leur regard au-delà des conditions actuelles, en vue d'élever leur niveau de connaissance et de s'assurer ainsi une compréhension plus approfondie de la condition humaine. Nombreux sont ceux qui tomberont en proie à la manipulation psychique aux mains de maîtres et d'entités et qui se livreront à l'occulte sans réaliser le danger inhérent à l'étude de dimensions de connaissance qui magnétisent la psyché. Ils ignoreront les lois des dimensions occultes et se trouveront à la merci de forces qui, une fois débridées, ne peuvent plus être ignorées. La musique est utilisée pour transmettre des messages occultes, alors que la littérature et d'autres formes de communication, dont le cinéma, accroissent la rupture de l'homme vis-à-vis de lui-même. L'occulte n'est guère matière d'opinion, pas plus que la science ne peut être matière d'opinion. L'opinion est toujours conditionnelle à son époque. L'époque actuelle est de plus en plus alignée sur l'occulte. Que l'on veuille y croire ou non est sans importance. Lorsque de jeunes adultes ou enfants mettent fin à leur vie en raison de leur relation avec les forces occultes, le temps de discuter de la validité ou de l'invalidité de ces vérités est révolu. Le temps est venu d'agir et de réaliser la nature de ces dangers. Les éducateurs, les fonctionnaires, le clergé et les psychologues ne peuvent plus ignorer ce que prétendent les meurtriers disant avoir entendu des voix les incitant à commettre des actes de violence qui choquent notre sensibilité commune. Il existe des sciences occultes créatives et d'autres qui le sont moins. Il revient à l'individu de choisir. Un problème surgit lorsque les parents, les éducateurs et la société, de manière générale, sont trop en retrait pour surveiller ce que la nouvelle génération lit, voit ou entend. Les éducateurs se doivent d'être conscients de l'ère nouvelle. Ils ne peuvent se retrancher de la réalité moderne et d'une pensée marginalisée. Les frontières du mental humain sont en voie d'expansion et transformeront la vision qu'a l'homme de la réalité interne et externe, jusqu'à en perdre tout repère. L'évolution de la conscience est non seulement sujette à des forces mécaniques mais aussi à des forces psychiques. Il appartient à la nature humaine de rechercher la réalité selon les percées de la civilisation prédominante. Au gré de la pénétration des sciences psychiques dans la conscience de masse, leur présence accroîtra le lien avec l'occulte et remplacera les formes conventionnelles des connaissances, devenues trop insignifiantes pour soutenir le sens de l'existence, nécessaire à la pleine compréhension et à la jouissance de la vie. Les sciences occultes coïncident avec des impératifs territoriaux qui n'ont pas encore fait l'objet d'études psychiques, ce qui tardera encore longtemps. Elles n'ont jamais été filtrées par des individus psychiquement compétents, reconnus sur la base de leur propre mental créatif. Le temps est venu pour que les sciences occultes soient soumises à une étude rigoureuse et profondément critique, tout comme le sont les sciences physiques, quand bien même les méthodes varieront beaucoup en substance et en application. Et jusqu'à ce que les sciences occultes aient été soumises à une analyse sévère et critique, le chercheur individuel sera abandonné à lui-même. Plus il sera spirituellement naïf, plus il demeurera une victime potentielle de l'information astralisée qui l'entraînera, dans le temps, toujours plus près du point de non-retour. La connaissance occulte ne peut servir l'homme que s'il est suffisamment intelligent pour comprendre que la fonction de cette dernière, sous sa forme astrale, est de le dissocier du centre réel de son mental qui réside au-dessus et au-delà de toute forme de connaissance spirituelle. L'occulte investit la personnalité naïve de traits qui caractérisent l'incapacité de l'homme à défier les composantes cosmiques de la connaissance, c'est-à-dire la dimension psychique du mensonge au-delà de la forme. L'homme n'est qu'un enfant, lorsqu'observé depuis ses dimensions. En réalité, il est un géant qui n'a pas atteint sa pleine maturité et la connaissance occulte ne peut et ne lui donnera pas cet avantage, jusqu'à ce qu'il ait vu à travers les lois occultes de la forme. Céder à l'occulte signifie que l'individu vit son expérience d'une manière qui menace son identité. L'occulte est une dimension de connaissance qui ne converge avec la conscience humaine que lorsque l'homme a atteint un point de saturation psychique, c'est-à-dire, lorsqu'il a enfin réalisé que la connaissance en soi n'est qu'un soutien vibratoire pour sa réalité. Dès lors que la connaissance psychique devient un soutien psychologique ou spirituel pour la réalité de l'homme, il en perd son identité par les nombreux pièges que lui tend une telle connaissance. Céder à cela n'est en fait que le cri final lancé par la conscience humaine, vivant en marge de soi et en périphérie de la conscience matérialiste ou traditionnelle de la race. L'occulte prédispose l'individu à présupposer des faits qui ne sont pas nécessairement alignés avec son propre centre de conscience, quand bien même conforme à ses désirs spirituels. L'occulte est une dimension de connaissance correspondant à la volonté d'entités spirituelles cherchant à dominer le mental humain, en vue de soutenir leur propre cycle de vie sur des plans parallèles de réalité que l'homme juge étranger à sa réalité quotidienne. Cette faille fondamentale de la pensée humaine a causé une grande perte d'identité auprès de personnes s'étant engagées dans l'expérience occulte, jusqu'à ce qu'elles aient aperçu la lumière, leur propre lumière, souvent suite à plusieurs années de détérioration de l'étoffe de leur personnalité. L'occulte est une dimension de connaissance qui intervient dans la matière psychologique et psychique de la conscience humaine, au-delà de toute imagination. La nature humaine est impliquée avec les forces supraliminaires de la nature occulte, à un point tel que si nous en prenions conscience sans préparation, notre mental s'effondrerait. Pour cette raison, la connaissance occulte a toujours été tenue à l'écart de la conscience collective. Nous traitons difficilement avec des forces dont l'intelligence réside au-delà de notre compréhension subjective. Il est important de réaliser qu'un tel savoir contient des zones grises immanentes qui ne peuvent être facilement assimilées par l'ego inconscient, tirant de la connaissance formelle un soulagement égocentrique. L'apprenti de l'occulte doit comprendre que le mental est père des mystères. De sorte que ce dernier a le pouvoir intrinsèque de nous libérer de vérités incontestées. Les sciences occultes peuvent être récusées pour le fait d'agir dans le secret et souvent sous le couvert de douteuses intentions, exprimées par le médium au canal à titre de révélation, dont la double nature demeure inexplorée et incontestée. L'une des failles les plus critiques du mental naïf réside dans son incapacité d'identifier la source de l'information, depuis son moi supérieur ou double. L'occulte dérive sa force d'un manque de conscience, chez l'homme, du besoin d'identifier un lien interne possible avec des entités désincarnées étant absolument assujetties aux lois du plan astral ou de la mort. En raison de cet aspect aveugle et inconscient de sa nature, l'apprenti de l'occulte ne peut couvrir la gamme entière de son expérience interne, et se voit contraint à vivre en présumant que ce qu'il ou elle entend, ou lit, correspond au plus haut niveau de vérité. Chapitre 6. Le mental et la méconnaissance. Des mois cosmiques. La conscience égocentrique est une expression finie du mental en sa totalité. Nous menons notre vie comme si notre mental était la seule expression de notre moi subjectif et personnel. Le mental voile l'opération clandestine d'entités psychiques évoluant sur des plans supérieurs ou inférieurs, dans une réalité multidimensionnelle dont l'âme est une part intégrale inconsciente. Ces intelligences ne peuvent prendre part à l'expérience humaine, si ce n'est par la capacité de communiquer qu'ils partagent avec l'homme par le biais de son appareil psychique, mais ils peuvent influencer sa vie à un point tel que les plus fervents tenants de la théorie du libre arbitre en seraient consternés, ignorant le côté occulte de la nature humaine. La psyché est une réalité multidimensionnelle plus ou moins intégrée, dont l'étendue outrepasse les confins matériels. Une compréhension accrue des forces psychiques à l'œuvre élève le niveau de conscience à cet égard en termes absolus. Alors que le mental s'exprime par le contact électrique avec le cerveau physique, la psyché est l'expression astrale et éthérique de son essence. L'univers est rempli d'énergie mentale servant le dessein inhérent de la création. L'homme est l'issue créative de l'expansion mentale. Par l'harmonisation de sa conscience ou de principes subtils, il bénéficiera d'une expérience mentale totale, selon le degré de son développement évolutif. La fonction qui consiste à atteindre le centre de la réalité humaine s'accomplit au cours d'une évolution longue et ardue, car la conscience est vécue dans les confins d'une dimension physique déconnectée, en apparence, de l'expérience mentale totale. Nous nous mesurons et nous nous identifions à la pulsion de notre mental, selon que nous ayons ou n'ayons pas atteint le succès dans la vie. Ce système a ses limites, puisqu'il ne fait que révéler les phases internes d'une stratégie préprogrammée de l'énergie mentale pénétrant la dimension psychique de la conscience. L'éducation est incapable, à ce stade, de nous enseigner les bienfaits du mental conscient. Pour les éducateurs, le mental et la psyché ne font qu'un. En réalité, le mental est le moi prépersonnel de la psyché, sa contrepartie cosmique non identifiée au sein du champ de l'inconscience humaine. Le mental est un univers du mental égal, en termes psychiques, à la réalité de l'univers physique. Comme tout univers, il est habité d'être, ou d'intelligence. À titre de monde interagissant avec les multiples dimensions de l'homme, il est aussi réel que peut le concevoir l'entendement. Le mental est à la disposition de l'homme s'il ne se soumet pas à des influences astrales de bas niveau qui le colorent. La fusion, ou l'unité avec le mental mène à une pleine compréhension des mystères et pièges de la conscience humaine. Nous possédons peu de connaissances au sujet du mental, en raison de la pauvreté de notre relation objective avec ce dernier. Il nous paraît stupéfiant d'en faire l'expérience à titre de présence prépersonnelle créative et intelligente accompagnant l'évolution de notre réalité intellectualisée physique, astrale et inférieure. Le mental ne peut être pleinement exploré sans qu'un dialogue conscient n'ait été établi avec ce dernier, c'est-à-dire, jusqu'à ce que les hommes puissent communiquer avec lui objectivement. Il ne peut non plus être pleinement révélé sans qu'au préalable le lien avec les habitudes inférieures de la pensée, caractérisant le développement évolutif de l'inconscience raciale humaine, ait été rompu. Il n'incombe guère au mental d'enseigner les lois de la vérité mais plutôt de pointer la voie menant au dépassement des illusions expérientielles de l'âme, ayant servi, au cours de l'histoire, à maintenir l'humanité dans l'ignorance de la nature infinie de la réalité. Comment la vérité peut-elle présenter un intérêt pour le mental, alors que par ses propres conséquences elle a su démontrer, historiquement, la profondeur de la conscience spiritualisée et naïve. Le mental tente de dominer toute forme de vérité humaine, car elle ne coïncide pas, ne peut coïncider et n'a jamais coïncidé avec les motifs universels de l'énergie créative générée par la nature infinie de sa volonté. La création n'a lieu qu'en vertu d'une volonté manifeste. Jusqu'à ce que la nature d'une telle volonté ait été comprise, le fait de comprendre le mental demeure une tâche impossible. Sans volonté, la conscience demeure liée au passé, c'est-à-dire à la mémoire qui n'est qu'une part de l'énergie mentale, active au niveau astral de la conscience humaine.